Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Louis XIII, 15 ans, prend le pouvoir. C'est une histoire violente que je vais vous raconter ce soir. Violente et baroque comme ce début du XVIIe siècle, dans un royaume de France toujours marqué à vif du fanatisme religieux. Sur les bords de la Seine, le Louvre, en plein travaux, a tout encore du château fort du Moyen-Âge, sombre, cerné de douves. C'est dans ce décor théâtral que le 24 avril 1617, Concino Concini, l'ennemi juré de Louis XIII, va être victime d'un guet-apens et assassiné. Concino Concini, celui qui la veille encore, avait osé passer devant le jeune roi sans le voir, sans un mot, sans se découvrir. C'en était trop. Le favori de Marie de Médicis aurait dû savoir pourtant qu'il n'y a rien de tel que l'humiliation pour nourrir la haine et le désir de vengeance. Ce 24 avril 1617, sous les murs du Louvre, en l'espace de quelques secondes, le puissant et richissime Italien, superbe sous son chapeau à plumes, n'est plus désormais qu'un corps criblé de balles, bientôt jeté à la vindicte populaire. Louis XIII, l'enfant qui a bu l'humiliation jusqu'à la lie, jubile. Il est enfin roi. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Jean-Christian Petit-Fils, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, écrivain, l'auteur de nombreux livres sur l'histoire de France, et notamment ce XVIIe siècle pour lequel je crois vous avez une passion. Vous étiez venu d'ailleurs dans cette émission nous parler de l'affaire des poisons notamment. Alors quand on pense au XVIIe siècle, on pense tout de suite bien sûr à Louis XIV, au Roi Soleil, à Versailles, mais on oublie souvent Louis XIII, son père, né en 1601, mort en 1643, un roi qui, il faut le dire, a été bien malmené par les écrivains et par les historiens au fil des siècles. Oui, tout à fait. C'est vraiment un mal-aimé de l'histoire. C'est un grand roi méconnu qui est coincé entre deux géants, on pourrait dire, Henri IV et puis Louis XIV, et qui a été... son image a été déformée violemment par la légende romantique. Alors, que ce soit Vigny, Hugo, Dumas, Vigny dans Saint-Marc, Hugo dans Marion de l'Orme, Dumas dans les Trois Mousquetaires, on en fait un personnage austère, mélancolique, passant son temps à la chasse, un personnage terne, velléitaire, faible aussi, très, ouais. Très faible, voilà. Et les historiens aussi, moi je me suis amusé à regarder les manuels d'histoire élémentaire des années de 1893 à nos jours, en passant par Michelet, bien sûr, dans son histoire. Alors, c'est singulier, mais parce que Michelet, lui, il y a deux tomes. Premier tome, Henri IV et Richelieu. Deuxième tome, Richelieu et la Fronde. Donc, Louis XIII disparaît complètement, s'efface devant Richelieu. Et c'est la même chose pour donc tous ces manuels d'histoire élémentaire. Richelieu, le tout-puissant cardinal, est le vrai roi. Alors on voit le cardinal en train de dicter une lettre presque au roi. Et tout ça est complètement faux. C'est un personnage complexe, qui a des problèmes psychologiques indiscutables. C'est un homme bon, sensible, aimant beaucoup la musique. Alors, on a énormément de renseignements grâce à son médecin qui a pris au jour le jour des notes. Héroard, son médecin, a fait un travail unique, un document exceptionnel. Alors, avant que je raconte l'histoire, l'étonnante prise de pouvoir par Louis XIII, comment le vilain petit canard est devenu donc le roi de France, pourriez-vous, Jean-Christian, petit-fils, nous rappeler où en est la France en 1617? Alors, la France, c'est un pays très, très rural. 90% à peu près de la population vit dans les campagnes. Pays très réduit par rapport à l'Hexagone actuel, parce que la Flandre, l'Artois, le Roussillon, la Franche-Comté appartiennent à l'Espagne. L'Alsace et une partie de la Lorraine sont des terres d'empire. Donc, on est dans un territoire assez réduit menacé d'invasion aussi, parce qu'il y a un certain nombre de portes, comme dirait Richelieu, qui permettent d'entrer en France, qui représentent à peu près, dans les frontières actuelles, 16 millions, 17 millions d'habitants. Donc, c'est un pays quand même important parce que le seul pays qui dépasse la France à ce moment-là, c'est l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, qui fait à peu près 19-20 millions. On voit donc un pays puissant, mais qui est politiquement en crise, puisque nous sommes dans une période de minorité du roi, qui se prolonge d'ailleurs au-delà de la minorité légale, avec des grands, donc des princes du sang, des barons, des comtes qui sont dans l'indépendance des princes du sang, qui ne cessent de guerroyer, d'entrer en dissidence, qui quittent la cour et puis qui lèvent des armées en province. Et la régente Marie de Médicis, qui a exercé le pouvoir voilà après l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac en 1610, eh bien elle est obligée de céder parce que l'armée royale est très faible, et donc les tonneaux d'or entassés par Sully à la Bastille et à l'Arsenal eh bien disparaissent peu à peu, et elle se ruine, et elle ruine aussi la France évidemment. Et on sort à peine des guerres de religion, hein. Tout ça est encore très frais. Oui, c'est encore assez récent. Alors, merci Jean-Christian Petit-Fils. Je propose que nous retrouvions dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Louis XIII, 15 ans, prend le pouvoir. Un texte de Caroline de Kergariou, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. Réalisation, Michel Sidorov. Aujourd'hui, mon joli, moins farouche, on dirait. Tu as faim? J'enlève ton capuchon, mais tu ne me pinces pas, d'accord? Regarde ce que je t'ai apporté. Une belle petite souris bien dodue. Oui, régale-toi. Avec ce froid... Ce n'est pas encore la chasse, je sais, mais nous irons bientôt, quand tu seras dressé. Bien sûr, tu t'impatientes. Seulement, tu en as encore des choses à apprendre. Si tu savais comme je te comprends, mon mignon, qui peut te comprendre mieux que moi? Tu sais ce qu'elle a dit, ma mère, tantôt au conseil? Retournez à vos petits jeux, mon fils. Vos petits jeux. Te rends-tu compte? Elle m'a chassé du conseil du roi comme un enfant turbulent. Mais le roi, c'est moi! Elle est ma mère, certes, alors je lui obéis. Pour l'instant. Papa. Comme vous me manquez, papa. Vous devriez être avec moi et m'apprendre mon métier de roi. Alors ni ma mère, ni Conchine, cet Italien effronté, ne gouvernerait à ma place. Papa, ce méchant Ravaillac qui vous a tué, on dit même que c'est sur son ordre, l'ordre de ma mère. Ah, tu veux voler de tes propres ailes, hein? Moi aussi, figure-toi, je n'ai plus 10 ans. On a humilié le roi de France une fois de trop, et on va s'en mordre les doigts. Janvier 1617. Passionné de chasse, un adolescent joufflu et disgracieux vient nourrir son faucon dans la volière du Louvre. À sa tenue sans ostentation, on le prendrait pour un simple page. Il a 15 ans, il s'appelle Louis, 13e du nom, c'est le roi de France. Il n'avait que 8 ans quand son père, Henri IV, a été assassiné. Ce père qu'il aimait avec ferveur, le seul roi de France qui demandait à ses enfants de l'appeler papa. Louis XIII est désormais majeur et donc apte à régner. Mais sa mère, encouragée par ses favoris, les Concini, ne l'entend pas de cette oreille. Devenue régente après la mort de son époux, Marie de Médicis a pris goût au pouvoir et s'y cramponne avec énergie. Léonora Concini est la fille de sa nourrice. Le mari de Léonora, Concino Concini, un aventurier sans le sou. Parti de rien, ces Italiens ont accumulé, grâce à la générosité de Marie, une quantité invraisemblable de richesses, de titres, d'honneurs. Ils font la pluie et le beau temps dans le royaume. On les sollicite, on les flatte, on les jalouse, on les hait. Maintenant qu'ils songent à secouer le joug maternel, Louis XIII les laissera-t-il encore longtemps jouir du fromage dans lequel ils ont creusé leur nid douillet? Ils ont beaucoup à perdre s'ils montent sur le trône. Si j'osais madame. Mon mari. Il serait très honoré d'obtenir... Naya! Mais pourquoi tu sers comme ça, Léonora? Je ne peux plus respirer. J'essaye de fermer votre robe, madame. Toi, tu vas encore me dire que j'ai pris du poids. Mais non, madame. Je dis juste que vous êtes parfaitement épanouie. Mon mari... De toute façon, cette robe a toujours eu un défaut. Donne-la à reprendre. Essayons plutôt la violette brodée d'or. Madame, les princes du sang continuent à prendre mon concino de haut. Si vous le nommiez connétable... Je l'ai déjà fait marquis. Gouverneur de Normandie. Maréchal de France. Ça ne lui suffit donc pas. Et jamais nous ne pourrons assez vous remercier pour... toutes les bontés dont vous nous avez bien comblés. Laisse donc. Il est naturel de gâter ses amis, et tu es ma seule amie. Seulement, où s'arrêtera son ambition? Il n'en a pas d'autre que de vous servir, madame. Mais tout de même, connétable. Comme tu l'aimes, ton concino. Il ne te mérite pas. Aïe! Tu seras encore beaucoup trop fort. Tu ne dis rien? Tu ne me dis pas que cette robe est trop étroite, elle aussi. L'étoffe, elle a dû rétrécir. Oui, c'est ça. Et voilà. Elle s'est fendue. Tout cela m'épuise. Il faudra faire confectionner des nouvelles robes. Et mon concino, que puis-je lui dire, madame? Connétable. Léonore, connétable. Un homme qui ne s'est jamais battu de sa vie. Pas même un malheureux duel. Comment pourrais-je le mettre à la tête des armées? Vous n'avez pas plus fidèle serviteur. Vous le savez bien. Et si le nouveau connétable était un guerrier expérimenté appartenant à l'entourage du jeune roi, serait-ce préférable à votre avis, madame? Signor Concini, quelle surprise! Quand on parle du loup. Et vous m'apportez des fleurs. Très chère reine, on apporte toujours des fleurs à une jolie femme. Trêve de flatterie. Des bruits courent au sujet de mon fils. Que dit-on? Il aurait des partisans. Des partisans prêts à... Prêts à l'aider à monter sur le trône. Ne vous inquiétez pas, madame. Je veille à ce que cela n'arrive pas. Concino Concini a en effet pris soin d'isoler le jeune Louis XIII. Une dizaine de gentilshommes, tout au plus, forment l'entourage du roi, dont Charles d'Albert de Luynes, le séduisant grand fauconnier, avec qui le roi va à la chasse avec ses rapaces. Frisant la quarantaine, Charles de Luynes est une présence quasi paternelle pour Louis XIII, dont il est le seul confident. Concini ne se méfie pas de ce gentilhomme provençal, sans fortune et sans envergure. Pour l'heure. En ce jour d'hiver 1617, il parade avec superbe à la tête de ses courtisans dans la grande galerie du Louvre, le vieux palais des rois de France qui est en cours de rénovation. Grosses tours aux toits pointus, tourelles et échauguettes du Moyen-Âge sont peu à peu démolies pour faire place aux ailes modernes étincelantes de fenêtres que nous connaissons encore aujourd'hui. Place, place à Monseigneur le maréchal d'Ancre. Ah, il ne manque pas d'audace, le sieur Confine. de se faire annoncer avec le faste d'un ambassadeur. Ou d'un prince du sang. Regardez-le, sire, tout emplumé, endiamanté, fardé et pommadé. Un véritable oiseau de conte de fées. Plutôt un pont qui fait la roue. Vous vous laissez encore aveugler, Luin. Attention, tout est brillant et léger chez lui, au dehors. Mais à l'intérieur, il n'y a rien de frivole. Rien que du calcul et de l'ambition. Pourtant, on dirait tellement un personnage de la comédie italienne. Un personnage qu'il joue, Luin. Qu'il joue. Venez, sortons d'ici vite. Je ne peux plus respirer cette poussière. Ah non, mais je vais mourir. Pendant ces satanés travaux seront-ils enfin... Non sappiamo. Majesté, il est passé devant vous et il ne vous a même pas salué. Il m'a ignoré et il l'a fait exprès. Qu'allez-vous faire, sire? Qu'est-ce que je peux faire? Attendre, Luin. Attendre. Attendre? Mais attendre quoi? L'occasion. Elle finira bien par se présenter. Et si elle ne se présente pas? Alors il faudra la susciter. Eh bien, Léonora, ma pauvre amie, que faites-vous coucher dans le noir? Moins fort, Concino, pour l'amour de Dieu. Mes migraines, elles sont revenues. Oh, encore vos migraines. À qui faites-vous appel cette fois pour vous soigner? Votre médecin juif ou l'un de ces curieux exorcistes sacrificateurs de coqs noirs qui ressemblent plus à des sorciers qu'à des moines? Oh, je vous en prie, et cessez de persifler par pitié. Hélas, mon médecin juif est mort. Vous l'ignoriez. C'était pourtant le médecin de la reine. C'est que je ne suis jamais malade, moi. Nul besoin de médicastre, de potions, ni de filtre. Bon, je vous laisse, ma chère, et vous souhaite d'aller mieux. Restez, Concino. Il fallait que je vous parle, de toute manière. Cela peut attendre, peut-être. Je suis sur le départ. Je sais. C'est pourquoi je dois vous prévenir. Le roi, Concino, il faut lui montrer plus de respect. Le roi. Qu'en ai-je à faire, moi, du roi? Un enfant débile, est-ce que cela compte? S'il n'est pas content, il faudra lui donner le fouet, et puis voilà. Vous n'avez pas vu la flamme de haine dans ses yeux quand vous passez près de lui? Ce n'est plus un enfant, Concino. Même s'il bégait, sa voix, son corps sont ceux d'un homme maintenant. Marie non plus ne voit pas qu'il grandit. Je suis très inquiète. Combien de temps encore sera-t-elle maintenir sa régence, cette grosse balourde? Face à son fils? C'est une vraie nullité, vous le dites vous-même. Ce pauvre lui, tout juste bon à cuisiner des omelettes et des pâtes de coin, et à jouer avec ses animaux. Et quel grand roi nous avons là! Il grandit et n'admet plus les affronts que vous lui faites subir en permanence. Ah bon? Il s'est confié à vous? Ce n'est un secret pour personne. Vous seul êtes trop aveuglé par votre arrogance pour vous en rendre compte. Et quoi alors? Qu'il grandisse encore pendant qu'il le peut, ce semi-crétin, avec sa santé. Il ne fêtera jamais son 16e anniversaire. Taisez-vous donc, malheureux. Voulez-vous qu'on vous accuse de lèse-majesté? Le vent va tourner, Concino. Je le sens. Partons vite d'ici. Rentrons en Italie pendant qu'il y en est encore temps. J'ai bien assez d'argent pour que nous y vivions dans la paix et l'abondance. Dans la paix, l'abondance et l'obscurité. Très peu pour moi, ma chère. Mon ambition est plus élevée. Je veux voir jusqu'où la fortune peut mener un homme tel que moi. Concino! Vous allez vous perdre et nous perdre tous avec vous. Oh, les femmes! Elles n'auront jamais le goût du risque! Oh, Concino. Concini croit en son étoile, mais avoir le goût du risque n'interdit pas une élémentaire prudence. Désormais, sur ses ordres, on encourt la prison si l'on adresse la parole au roi ou si l'on va le visiter dans ses appartements. Plus encore, des potences sont dressées à tous les coins de rue, la garde du roi envoyée aux armées et remplacée par des Italiens à la solde du maréchal. Dès lors, Louis XIII est virtuellement prisonnier au Louvre. Il comprend qu'il n'est plus temps d'attendre l'occasion, mais de la susciter. Son familier, Luynes, dont Concini ne se méfie toujours pas, lui présente discrètement un fonctionnaire aussi fidèle que légaliste, Guichard des Agents. Ce dernier a une seule ambition, servir le pouvoir légitime, en d'autres termes, le roi Louis XIII. Commence alors une fébrile période de conciliabules secrets qui se tiennent dans la chambre de Luynes, au Louvre, un modeste réduit situé juste au-dessus des appartements des Concini. Je n'approuve pas la politique qui est faite en mon nom. Les princes sont en train de mettre le pays à feu et à sang, et depuis mon mariage avec l'infante Anna, l'Espagne s'imagine qu'elle peut nous dicter sa volonté. Aussi, ai-je décidé que le maréchal d'Ancre doit être écarté? Oui, Majesté. Mais comment? Nous devons renvoyer le signor Concini et sa famille en Italie. Là-bas, il ne pourra plus nous nuire. Comment l'y contraindre? Il n'acceptera jamais de lui-même. Il a bien trop à perdre. Monsieur de Luynes a raison, sire. Tant qu'il est en vie, le maréchal est trop dangereux. Mon règne ne commencera pas par un meurtre. Alors il ne reste qu'une solution. Arrêter le maréchal d'Ancre pour intelligence avec l'ennemi et le déférer devant le Parlement. L'Espagne. Toujours l'Espagne. Arrêter le maréchal? Mais comment? Il a envoyé les gardes du roi combattre les princes rebelles et lui a 7000 soldats à son service. Ne serait-il pas plus raisonnable pour le roi d'aller rejoindre son armée une fois à sa tête? Vous conseillez la fuite, monsieur de Luynes? Sachez que le roi de France ne fuit pas. Je ne voulais pas insinuer... On vous a privé de vos gardes, sire. Mais ne pourrait-on pas recruter quelques personnes de confiance qui procéderaient à l'arrestation en votre nom? Pourquoi pas Vitry, le capitaine des gardes? Il vous est encore loyal, Majesté. Vous avez raison, Luynes. Je connais Vitry depuis mon enfance. Il est de toute confiance. Vous n'êtes pas sans fidèles, sire. Ah non, sire, ils sont nombreux et tout prêts à vous servir. Vous dérangez, madame la maréchale. C'était la suivante de la maréchale d'Ancre. Elle nous a entendus? Elle se doute de quelque chose? Elle demande qu'on fasse moins de bruit. La maréchale a ses migraines. Elle demande au roi de faire moins de bruit. Presque quotidien, ces conciliabules secrets ne le restent pas très longtemps, du fait surtout des indiscrétions de Luynes, qui s'entête dans son projet de fuite et, sans en référer à quiconque, et surtout pas au roi, commande aux écuries de garder les chevaux prêts pour un départ à minuit le 14 mars. À cause d'un palefrenier, l'information fuite dans tout Paris. Et le 17 avril, Concini revient en hâte de Normandie, ivre de rage. Ainsi, Léonora avait raison, ce petit roi débile dont il se moquait tant essaierait donc de se dresser sur son chemin. Incroyable. Le maréchal désormais menace ses ennemis non plus seulement de prison, mais aussi de mort. Pour la première fois, Louis XIII comprend que sa propre vie elle-même est en danger. Il prend alors une grave décision. Fin avril 1617, les conjurés sont à nouveau entassés dans la petite chambre de Luynes. Vous l'arrêterez quand il viendra dimanche présenter ses respects à ma mère. À quel endroit le marquis de Vitry doit-il l'intercepter, sire? Après le pont-levis entre la rue de l'Autruche et le Louvre, quand le maréchal aura passé la grande porte. Et sa suite? Ils sont une bonne cinquantaine. Vitry n'a pas assez d'hommes pour les maîtriser tous. Naturellement, il est indispensable d'isoler le maréchal. La grande porte sera refermée immédiatement après son passage. Sa suite restera bloquée à l'extérieur. À ce moment, Vitry l'interpellera au nom du roi. Et s'il résiste, que doit faire le marquis de Vitry. Sire, si le maréchal résiste lors de son arrestation, que doit faire monsieur de Vitry? Il demande des instructions détaillées, il insiste, que dois-je lui dire? S'il se rebelle contre l'autorité royale, alors le roi entend qu'on le tue. Envisagée pour le dimanche 23 avril 1617, l'opération est annulée. Le maréchal Concini n'est pas venu au Louvre à l'heure prévue. Les conjurés sont catastrophés. Leur proie a-t-elle découvert le complot? Sont-ils désormais en danger? Après une nuit de palabres, on décide de reporter l'arrestation au lendemain. Et là, miracle, ce lundi 24 à 10h du matin, Concini se présente à l'entrée du Louvre, au niveau de l'actuelle colonnade Perrault. Occupé à lire une lettre, il ne remarque pas qu'il est séparé de sa suite par la fermeture de la grande porte, pendant que ses gardes du corps sont invités à passer par la petite porte qui n'est pas encore ouverte. Le maréchal pénètre dans ce qui est aujourd'hui une partie de la cour carrée. Il y a tant de monde dans cette véritable salle des pas perdus que le marquis de Vitry a toutes les peines du monde à repérer sa cible. Enfin, il s'avance vers Concini, le saisit par le bras. « De par le roi, je vous arrête. Moi, s'étonne le maréchal, ce qui en italien donne « à me, à moi ». Vitry a-t-il entendu un appel au secours de Concini à ses familiers, dont certains seraient parvenus à entrer dans la cour? A-t-il voulu appliquer les ordres muets de Louis XIII à la lettre? Toujours est-il que ses hommes de confiance tirent sur le maréchal qui s'effondre, criblé d'impact de balles. Manifestement, il a résisté à son arrestation. Merci. Merci à vous tous. À cette heure, grâce à vous, je suis roi. Je suis roi, enfin. Majesté. Majesté. Maintenant, aidez-moi à monter sur ce billard. Il faut que je me montre au peuple, qu'il sache que je ne suis pas mort. Le roi apparaît à la fenêtre du Louvre, sous laquelle une foule s'est rassemblée. Désormais, je suis roi! Je suis roi! Il est temps que je remplisse ma charge. Oui, Dieu soit loué, me voilà roi! Enfin, c'est fait. Ce maudit Concini ne se tiendra plus jamais entre mon trône et moi. Je suis le roi. Le peuple m'acclame. Je vais enfin gouverner mon royaume comme je l'entends. Tout cela grâce à la loyauté de quelques-uns. Mon cher Luine, je ne sais pas comment j'aurais pu affronter ces humiliations sans son amitié. Vitry, un brave entre les braves. Déhajon, un homme d'action déguisé en gras de papier. Sans lui, rien n'aurait pu se faire. Ces braves verront de quoi ma gratitude est capable. Maintenant, Concini ne barre plus mon chemin. Mais il y a toujours ma mère. Il faut agir très vite, je la connais. Déjà en train de tisser une nouvelle toile, je parie. Si je la laisse faire... Non, je ne la laisserai plus faire. Mamma mia, quel malheur! Quel épouvantable malheur! Pourquoi le peuple est-il si joyeux? Comment peut-il se réjouir d'un assassinat? Madame, ne pensez-vous pas qu'il faudrait avertir la maréchale du décès de son mari? Des selles! Donne-moi des selles! Je vais perdre connaissance! Je le sens! Pourquoi ne pas vous allonger, madame? Vous vous retournez les sangs à vous agiter comme ça. Tu as raison. Donne-moi ton bras. Oh. Oh. Et pour la maréchale d'encre? Tu crois que je n'ai pas autre chose à penser que de me préoccuper d'Eléonora? J'ai déjà bien assez de mes propres affaires. Qu'on ne me parle plus de ces gens-là. Je leur avais bien dit, pourtant, de repartir en Italie. S'ils m'avaient écouté. Et maintenant, dis à mon premier écuyer de se rendre auprès de mon fils. Je désire les voir immédiatement. Bien, madame. Un désir qui n'est pas partagé par Louis XIII. Malgré l'envoi de plusieurs messagers, de plus haut rang les uns que les autres, le roi refuse de recevoir sa mère et lui fait dire de ne plus s'occuper des affaires du gouvernement, car il entend désormais être le maître. L'accès à l'appartement de Marie de Médicis est interdit à quiconque. Certaines portes sont même murées. Elle est stupéfaite. Prisonnière de mon propre fils. Quelle mère a mérité pareil destin? N'ai-je pas donné tous mes soins, toute ma peine, depuis le lâche assassinat de son père, à lui conserver son royaume intact et prospère? N'ai-je pas déployé tous les efforts du monde à maintenir la paix avec les princes du sang, des séditieux toujours prêts à mettre le pays en ébullition? Oh. Ouvrez-moi! Laissez-moi sortir! C'est un ordre! Je suis la reine! Vous n'avez pas le droit de me garder enfermée! Quelle ingratitude! Méritons encore le nom de fils quand on traite ainsi sa mère? Moi, qui ai enduré de telles douleurs pour le mettre au monde, c'est ainsi qu'il me remercie. Ah. Pendant que Marie de Médicis gémit sur son sort, la population parisienne, dans sa haine pour Concini, se rend en masse à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois pour déterrer le cadavre qui y avait été discrètement enseveli pendant la nuit. Pendu par les pieds à la potence du Pont-Neuf, l'une de celles qu'il avait lui-même fait élever quelques semaines auparavant, lapidé, déchiré, démembré, mutilé, le corps de Concini est la proie d'une véritable folie furieuse de la part du peuple. On lui arrache les yeux, les oreilles, les parties génitales et même le cœur, qui, rôti, est dévoré avec du vinaigre par un gourmand cannibale. Quant à ses biens, une grande partie en revient à Charles d'Albert, bientôt fait duc de Luynes. Le nouveau favori obtient aussi ce qu'avait vainement espéré l'ancien. Il est fait connétable de France en 1619. Bien que ses compétences militaires soient du même ordre que celles de Concini, complètement inexistantes. Léonora Concini est arrêtée et conduite à la Bastille. Dans sa cellule, elle attend sa comparution le 6 juillet devant le Parlement. Pourquoi me condamnez-vous? Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne suis qu'une pauvre étrangère. J'ai dit la vérité. Je suis au service de la reine et désire seulement retourner auprès d'elle, continuer mon office. Je n'ai jamais comploté avec les puissances ennemies. Je n'ai pas aidé mon mari à usurper le pouvoir. Pourquoi vous ne me croyez pas? Jamais je ne me suis mêlée de politique. Je jure devant Dieu que jamais non plus je n'ai entendu parler de sorcière ou de sorcier. Non, je n'ai jamais eu recours à la sorcellerie ni à la juiverie. Je ne suis pas possédée par le démon. Jamais je n'ai été au sabbat. Que Dieu me foudroie sur place si je mens. Là, vous voyez bien, il ne m'a pas foudroyée. Je suis innocente. Innocente, je vous dis. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Jamais. Ma fortune? Je me suis enrichie des cadeaux de la reine uniquement. Elle est très bonne avec moi. Elle a toujours été très généreuse. Jamais je n'ai trafiqué d'office. Vous me condamnez à avoir la tête tranchée? Je suis innocente. Comment pouvez-vous charger votre conscience d'un tel péché? Vous ne voyez donc pas que ce sont des méchants qui me font mourir pour s'approprier mon bien? L'intérêt vous aveugle. Laissez-moi retourner auprès de la reine. Elle a besoin de moi. Après avoir été condamnée pour impiété, entreprise contre l'autorité du roi, négociations secrètes avec l'étranger et détournement de deniers publics, Leonora Concini est conduite le 8 juillet 1617 en place de Grève pour y être décapitée. Elle meurt avec courage et dignité. Louis XIII attribue ses biens à son amie Luynes. Apprenant la nouvelle, Marie de Médicis se contente d'un « la pauvre femme, elle est cause de son malheur et du mien, mais son mari est plus coupable qu'elle », ce qui en dit long sur sa tendresse de cœur. Exilée au château de Blois par son fils, la reine ne se décide pour autant pas à renoncer au pouvoir. Elle complote activement dans l'ombre pour revenir à Paris et placer Louis XIII sous sa tutelle. Pour cela, elle doit s'évader. 2 ans après l'exécution de Concini, le 21 février 1619, sa cassette de diamants serrée contre son cœur, elle entreprend, à l'aide d'une échelle de corde, la descente d'une tour du château de Blois. Marie de Médicis a 43 ans et de nombreux kilos en trop. Vous pouvez descendre, madame! Il n'y a aucun danger! Aucun danger, aucun danger! J'aimerais t'y voir. Je viens de le faire, madame. Il n'y a rien de plus facile. Tenez-vous fermement à l'échelle et tout ira bien. Bien sûr. Toi, t'es jeune et mince. Agile comme un écureuil. Je vais lâcher. Je sens que je vais lâcher. Tu es bon, madame. Vous y êtes presque. Pourquoi ne me lancez-vous pas votre cassette? Tu es folle ou quoi, ma fille? Je ne vais pas lâcher mes diamants. À aucun prix. Madame! Madame! Vous allez bien? Je vais très bien. Je te remercie. Aide-moi plutôt à me remettre debout. Je t'ai demandé de m'aider à me relever. Je suis très capable de porter mes diamants toute seule. Je te remercie. Après la mort de Concini, le premier soin de Louis XIII a donc été d'écarter sa mère du pouvoir. Sage décision, puisque jusqu'à sa mort, Marie de Médicis ne cessera de comploter contre lui, encourageant ses ennemis et ceux de la France. Son rêve, mettre Gaston, le cadet de Louis XIII, sur le trône, à la place de celui-ci. Quant au duc de Luynes, malgré l'affection que lui porte le roi et les largesses dont il a bénéficié, il n'aura jamais une influence comparable à celle de Concini auprès de Marie. Le roi, en effet, est très conscient de sa rapacité et de son manque total de sens politique. Au contraire, de manière surprenante, c'est une créature de Concini qui, peu à peu, deviendra le principal ministre de Louis XIII. Il s'agit du cardinal de Richelieu. Mais le jeune Louis XIII ne perdra plus l'autorité qu'il a enfin gagnée. Ma mère ne m'a jamais aimé. Elle me trouve triste et timide, terne et, oui, bègue. Elle déteste mon bégaiement. Un roi peut-il être bègue? Seuls les débiles sont bègues. Pour elle, je suis un débile, un idiot, incapable de régner. Voilà pourquoi elle a tout fait pour m'écarter. Gaston, lui, est gai, agréable, drôle, léger. Elle l'a toujours préféré. Lui, comme elle, n'arrête pas de comploter contre moi. Et comme je n'ai pas d'héritier, nous n'avons pas d'héritier, l'infante Anna et moi, entre nous, tout est allé de travers dès la première nuit. Mais je suis le roi de France, et maintenant je gouverne. Les caisses sont vides, les princes du sang toujours prêts à se rebeller, l'Espagne est en embuscade. Et je dois aussi me battre contre ma mère et contre mon frère. Mais ni l'un ni l'autre ne m'empêchera plus de régner comme je l'entends, avec justice, et de rendre à mes sujets un royaume aussi heureux et prospère qu'il l'était du temps de mon père. Il serait fier de moi. Louis XIII, 15 ans, prend le pouvoir de Caroline de Kergariou avec Baptiste de Zers, Louis XIII, Maria Cristina Mastrangeli, Marie de Médicis, Elena Falgheri, Leonora Galigai, Andrea De Luca, Concino Concini, Bertrand Suarez-Pazos, le marquis de Luynes, Laurent Lederer, Guichard de Hagen et Élodie Vincent, la suivante. Prise de son, montage et mixage, Benjamin Vignal, Amandine Grevaux et Philippe Bredin. Bruitage, Sophie Bissons. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Réalisation, Michel Sidoroff. Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Louis XIII avec mon invité Jean-Christian Petit-Fils. To seeds of lettuce, seeds of rust and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace and seeds of hope. Seeds of paste, pine to pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you sell? How can you spoil them? How can you trade them? How can you grow? Grow? Seeds of sorrow, seeds of terror, landscape, seeds of devastated corn, seeds of stray. Seeds of misery, seeds of mud and melancholy, seeds of watermelon, seeds of waste. Seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of straw. Seeds of underneath the summer lies and then seeds of cold. How can you buy them? How can you sell them? How can you trade them? How can you do so? Camille sur France Inter, autant n'emporte l'histoire, une émission réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Pierre-Yves de Rolin. En Jean-Christian Petit-Fils, la prise de pouvoir de Louis XIII reste une page méconnue de notre histoire. Et pourtant, quelle histoire incroyable, tant du point de vue historique, psychologique, pour ne pas dire psychanalytique. Si Shakespeare avait été français, je pense qu'il aurait fait une belle, une magnifique tragédie. C'est un grand drame shakespearien. Oui. Alors, il y a tout, là. Il y a le père qui est assassiné, l'enfant abandonné, la mère qui ne l'aime pas. Castratrice. Qui est autoritaire, vindicative. Préférant le second, donc Gaston d'Orléans, et qui aime tellement le pouvoir qu'elle veut, elle veut l'exercer, continuer à l'exercer. Alors, c'est une femme qui n'est pas très intelligente, mais qui subit surtout l'influence d'un couple. On l'a vu, donc Concino Concini et voilà. Sa femme Léonora. Alors, Léonora Dori dite Galigai, elle est une petite femme ambitieuse, froide, calculatrice, cherchant à amasser de l'or et à partir, à revenir en Italie. Lui aussi. Alors que lui, son mari, a une ambition politique affirmé, il tient à rester en France et il a connu évidemment une carrière prodigieuse. Il commence comme premier maître d'hôtel de la reine, c'est encore sous Henri IV. Il est premier écuyer, gouverneur de Bourg-en-Bresse en 1610, et puis conseiller d'État, gouverneur de Péronne, marquis d'Ancre, lieutenant général de Picardie, gouverneur d'Amiens en 1613, et puis maréchal de France, donc quelque sorte le cousin du roi. Ouais, mais est-ce que toutes ces fonctions sont purement honorifiques, ou est-ce que réellement il fait quelque chose ? Enfin, est-ce qu'il a agi ? Est-ce qu'il a quand même malgré tout un certain talent politique ? Alors, il a un pouvoir en tout cas, il siège au conseil du roi, et même il s'assoit dans le siège du roi, donc c'est un scandale évidemment. C'est un grand, c'est un parvenu, alors qu'au départ c'était un petit comte de Pena, près d'Arezzo, sans grande notoriété. Son oncle s'en est débarrassé et l'a envoyé dans le cortège de Marie Médicis partant épouser Henri IV. Et c'est là qu'il a fait la cour de Leonora Galigai, Leonora Dori, qui est elle-même la fille d'un menuisier du palais de Florence, qui a 5 ans de plus que Marie Médicis et qui exerce sur elle une influence considérable, qui va être sa coiffeuse d'abord, et puis après sa dame d'atour. Elle est très laide, c'est une femme de l'ombre, alors que lui veut être soleil et veut tous les biens. C'est un favori. La notion de favori, c'est quelque chose de très spécial à cette époque, puisque c'est un personnage central à la cour qui remplit des fonctions à la fois privées et publiques, c'est-à-dire qui aide le souverain pour des missions personnelles et puis au public, et qui sert de courtier pour la distribution des grâces. Donc on s'adresse à ce personnage, à ce favori. C'est pas nécessairement un amant, un mignon du roi. Donc, comment est-il vécu justement par Louis XIII ? Louis XIII, donc l'enfant humilié, l'enfant malade, l'enfant malingre, qui est humilié en permanence par Concini et par sa mère. Le pouvoir de Concini ne procède que de la Galigai. C'est l'influence de sa femme sur la reine mère, qui joue et qui est essentielle. Mais lui fait croire qu'il est l'amant de la reine. Et là, évidemment, pour Louis XIII, c'est un choc de savoir que cet aventurier italien, sans surface politique, est l'amant de sa mère. Et ça va jouer énormément dans le drame de 1717. Et on a dit souvent de Louis XIII qu'il était peut-être homosexuel du fait justement d'amitié masculine qu'il a pu avoir dans sa jeunesse et également d'être sa difficulté avec les femmes, notamment son épouse, parce qu'en 1617, donc quand cette histoire a lieu, il est déjà marié. Il a été marié à 14 ans avec Anne d'Autriche, un mariage plutôt malheureux. En 1617, le mariage n'est pas consommé encore. Voilà, c'est ça. Alors, faudra attendre très longtemps avant que le petit Louis XIV naisse, soit conçu et naisse. 1538, la naissance de Louis XIV. L'homosexualité de Louis XIII, elle est possible, en tout cas probablement pas avec lui. Lui a 23 ans de plus que lui, c'est le grand fauconnier, c'est un père de substitution plutôt. Il aime beaucoup lui, donc ils vont conspirer, comme le montre cette dramatique, avec quelques gentilshommes, le comte de La Rochefoucauld, le comte de Modène. Ce sont pas des personnages principaux dans la cour, donc on les laisse. Marie de Médicis ne s'inquiète pas trop. Bon, voilà, ils discutent, ils s'amusent entre jeunes. On ne peut conspirer qu'avec des grands. Et les grands sont pas là, sont pas autour du roi. Ou ils sont en province en guerre contre Marie de Médicis, ou alors ils sont proches de Marie de Médicis. On a du mal à comprendre pourquoi Marie de Médicis était aussi distante avec son fils et n'a rien fait pour favoriser son accès au pouvoir. Elle le maintient à l'écart. Qu'est-ce qu'elle espérait exactement? Elle n'a aucun contre-pouvoir aussi. Elle pense un peu comme Concini, qui le disait à l'ambassadeur du pape, en disant que Louis XIII, c'est une nullité. Donc elle pense gouverner à sa place. Et ça va être d'ailleurs une partie du drame du règne de Louis XIII, c'est qu'elle va vouloir s'imposer, et même après 1617, puisqu'elle sera exilée à Blois, elle s'évadera et elle voudra revenir au conseil. La fameuse évasion. Tout ça, c'est du roman historique et picaresque. Elle veut revenir au pouvoir, donc elle va lancer deux guerres contre son fils pour simplement revenir au conseil. Et finalement, elle sera admise au Conseil, mais elle n'aura aucune influence politique. Alors, quant à Louis XIII, il déclare, une fois qu'il est enfin roi, qu'il veut gouverner son royaume dans un souci de justice. Il sera même surnommé Louis le Juste. En termes de justice et de droit, son début de règne n'a quand même pas donné l'exemple, hein, puisqu'il commence par un assassinat. Oui, alors, deux choses. D'abord, c'est un roi qui est très jaloux de son autorité. Il a une très haute conscience de sa dignité de roi. Il a reçu l'onction du Seigneur au sacre. Et il se considère donc comme personnage très haut, très au-dessus. Alors, il déteste les bâtards. Il a été élevé avec les bâtards d'Henri IV. Deuxièmement, Louis XIII donc, veut le pouvoir. Alors, a-t-il assassiné d'abord lui-même, enfin. Oui, alors quand on parle de l'assassinat dans la mentalité de l'époque, le roi est maître de toute justice. Et on considère donc que c'est pas un crime, c'est un acte de justice expéditif, évidemment, mais c'est pas à proprement parler un acte parce oui, qu'il y a une usurpation. On n'est pas vraiment dans une société de droit. Voilà, et il y a une usurpation aussi de la part de Concini qui s'assoit sur le siège royal. Voilà, mais c'est une petite nuance. Aujourd'hui, évidemment, on peut parler d'autres choses et avoir un jugement nuancé. Cela étant, il n'a pas voulu l'assassiner. C'est-à-dire, au cas où il se défendrait. À ce moment-là, évidemment, il faut agir. Mais il s'est tué. Il y a le silence qui a été souligné dans cette dramatique. Et des agents disent, ben, on le tuera. Il ne dit rien. Il consent. Alors, il y a un personnage qui n'apparaît pas dans cette histoire, mais qui existe déjà à la cour et qui va être amené à jouer un rôle capital auprès de Louis XIII. C'est le cardinal de Richelieu. Alors, on a dit souvent que Louis XIII était un roi faible, vous l'avez dit, manipulé ensuite par lui, n'est pas Richelieu. Mais vous dites, Jean-Christian Petit-Fils, vous dites qu'il n'en est rien, qu'ils ont vraiment travaillé ensemble, Richelieu et Louis XIII, que c'était une collaboration entre deux hommes. Oui, oui, oui. Alors, Louis XIII, donc, est très imbu de son pouvoir, de sa puissance. Et Richelieu fait très attention à cela. Richelieu nous dit les quatre pieds carrés du cabinet du roi sont plus difficiles pour moi à conquérir que tous les champs de bataille de l'Europe. Ça inverse un peu l'image qu'on a ordinairement de Richelieu. Au cardinal de Bérulle, il dit « À chaque fois que je fais une proposition au roi, sur quatre propositions, j'ai bien de la chance qu'il y en a deux qui sont acceptées. » L'homme rouge, le terrifiant personnage qu'est Richelieu, attention, c'est un produit de la légende romantique. Et en quelques mots, pour terminer, quel serait le bilan du règne de Louis XIII, donc coincé entre Henri IV et Louis XIV? Alors c'est un règne très difficile, parce qu'il a fallu donc combattre les protestants, non pas en tant que protestants, mais en tant que puissance, en tant qu'État dans l'État. Ils avaient des places de sûreté. Il a fallu aussi combattre l'Espagne, l'Empire. Tout ça s'est fait dans des conditions terribles. Il y a eu des révoltes populaires, les nu-pieds, les croquants, des révoltes qu'il a fallu réprimer, avec un Richelieu qui a été un collaborateur très efficace de Louis XIII. Tout cela a préparé le règne de Louis XIV. Chez Louis XIII, au fond, tous les éléments étaient en place pour l'éclosion du grand siècle, avec une grande humilité de la part du personnage, alors que Louis XIV, lui, aura cette majesté, cette puissance, et cet orgueil aussi, il faut bien le reconnaître. On marche vers la monarchie absolue. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Christian Petit-Fils. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie très complète de Louis XIII, chez Perrin, disponible en poche dans la collection Timpus. Et dans la même collection, vient de sortir également de vous le dictionnaire amoureux de Jésus. Autant en emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Cette émission, vous pouvez la réécouter, la podcaster, ainsi que toutes celles que vous auriez manquées sur notre site franceinter.fr, où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, on part à l'opéra. En décembre 1864, Jacques Offenbach et sa chanteuse fétiche, la diva Hortense Schneider, font un triomphe avec La Belle Hélène, une opérette qui, pour la beauté de sa musique et sa drôlerie, n'a pas pris une ride aujourd'hui, mais qui, à l'époque, fit scandale. Hortense Schneider, La Belle Hélène d'Offenbach, ça va pétiller dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais dans quelques minutes, juste après le flash, vous avez rendez-vous bien sûr avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée sur France Inter.